Rien. Bon, alors c'est Pyongyang City Rockers, c'est le 428e numéro ce soir qui commence jusqu'à 21h en principe. Ce soir, avec une équipe presque au complet, il y a Jamo. Jamo, bonjour Jamo. Oui, bonjour. Tu dis oi en plus. Ouais. C'est le printemps. Ouais. Il y a Célio. Et... Attends, parce que. Il marche pas ce micro, c'est ça? Il merdouille. Sinon, je vais à côté. Non, mais c'est bon, ça va aller. Et Henri? Salut Stéphane, ça va? Que... Bah, moi, ça va, mais je suis fatigué. Putain, pff, voilà. C'est le changement de saison. Voilà. Changement d'heure, non. C'est ça le décalage changement horaire? D'heure. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Ouais, puis en plus, j'ai rien gagné au bingo. Donc, je suis vraiment écœuré de la vie. Voilà. Le bingo de l'Ardente au Lyoté, c'était quand? Dimanche dernier, samedi dernier. Voilà, bien, puisque c'est ainsi. Je vais commencer avec un truc que je devais passer la semaine dernière parce qu'il y avait un concert et puis maintenant le concert est passé. Ils sont passés au bout de nos rêves la semaine dernière, vendredi dernier, il me semble, La Marmite. Eh bien, les voici qui vont entonner pour vos oreilles ébahies. Est-ce que des oreilles sont ébahies? J'en sais rien. Bon, on peut l'inventer maintenant. Hein. Ébahies sur les oreilles avec La Marmite et Barricade. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Et quand la caravane passe, il y a des chefs qui dépassent. Sur le dos toute la brigade, dans les tribunes de grenades. Le maintien de l'ordre fait des ordres, dans les luttes c'est la discorde. Il en est des barricades qui seront toujours imprenables. Il en est des barricades qui renverront les grenades. C'est stimuler l'obéissance pour les balais des récompenses. Métis de cynique à masse tandis que leur spiff fracasse. Ils ont éborgné des enfants, ils ont édenté leurs parents. Si quelqu'un nous fait vomir, c'est à ton tour de frémir. Il en est des barricades qui seront toujours imprenables. Il en est des barricades qui renverront les grenades. Police balise dans la rue qui mutilent parfois tu. Rangeons plein de thérapie, renie ton devoir civique. Face aux bras nus à mitrailler, le peuple brisé incasqué, le poussé à fraterniser. Face aux comiques incendiés, à la riposte des damnés, la trouille peut briser incasqué. Autant pour lui de déserter. Quand les filles tourneront le dos à la tutelle des drapeaux, il faudra dans la foulée rompre les rangs des armées. Quand les flics tourneront le dos à la tutelle des drapeaux, il faudra dans la foulée rompre les rangs des armées. Il en est des barricades qui seront toujours imprenables. Il en est des barricades qui renverront les grenades. Bah oui, on a envie de voir les copains. Oui, alors, comme disait quelqu'un hors antenne, c'est très BNR. La Marmite. Ouais. Ouais, c'est même plus BNR que quand ils étaient passés une fois. Attends, je les avais vus à Lille, mais je sais plus où. Peut-être au 18 Pont. Ils avaient pas joué avec Ulfi. Ouais, c'est possible aussi. Mais au 18 Pont, ça ressemblait pas à ça. Enfin, c'était plus. Dark. Là, c'est plus poète-poète, quoi. Ouais, donc, moi, vous connaissez. vous connaissez mon amour pour le poète-poète. Et donc, j'y vais. Il y a un Jamo qui voulait passer quelque chose. Ouais, fais gaffe, t'as que 3 titres ce soir. Hein. Ouais. T'as un appareil de plus. Hein, si tu veux que je te dis. Ouais. Je vais passer nuit blanche, donc, comme un rapace. C'est sorti en 2025, en juillet. Sur l'album Hélas. C'est la Kilos. Hélas, ouais. Et c'est un Good Oi Boys, donc je me demande si c'est pas un side project ou quoi. Ouais, enfin, de toute façon, Oi Boys, c'est fini, donc... Bah, c'est un des gars d'Oi Boys. Ouais, c'est ça, j'en reviens bien. Et il y a Wetty aussi, non? Ouais. Ah bah bravo. Ah, c'est ça, c'est oui, bah, en fait, on l'a déjà passé. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Mais oui, bien sûr. Donc voilà, Nuit Blanche, comme un rapace. Changer peut-être. Comme un air impopulaire, des centaines, des milliers, on le sent à nos travers. T'as tout foutu en l'air. À ouvrir, tout à cramer. On cherche le plaisir dans la facilité. Peut-être qu'on s'arrête, changer peut-être. La fascination, le souffle léger. La fascination, le souffle léger. Fascination, fascination, fascination. J'ai pas les orchestres, ils sont solitaires. Y'a plus grand chose à faire, j'ai tout foutu en l'air. Un petit peu, ouais. Ouais, quand même. Pas au début, ouais. Donc voilà. C'est à moi. Bah oui, si tu veux. Hein, tu... Et ben, moi, je vais vous parler de Monde Moderne. C'est un nouveau groupe punk de Toulouse. On y retrouve des membres de Trolls, Litof ou encore Noz. On avait déjà pu entendre le groupe sur la compilation Let the Tribute in Crise, qui était un tribute au groupe The Mob. Ils ont sorti une démo cassette appelée aussi Monde Moderne au mois de février et c'est dispo dans la distro de Louis Pleur et c'est là où je l'ai trouvé. Et on va écouter tout de suite Rose Ardente de Monde Moderne. Laisse-moi tourner les pages du livre de ta vie, s'il te plaît. Parfois tu chantes le son de tout. On prépare cette émission, c'est de la folie. C'était fort pop, hein, cette affaire. C'est vrai. Je tiens à le dire, la cantonade. Ça ouais. change un peu, mais... Ouais, c'est bien. Non, mais moi aussi, je vais passer de la pop, tu vas voir. Ça va chier. moi, vu ce que je vais passer depuis le temps, c'est presque rentré dans la culture populaire aussi. J'ai pas trop de nouveautés de mon côté cette semaine, donc j'ai pris une petite sélection de pépites tubesques pour les fans du son de Kyushu, mais pas que. Bon, alors... Là, pour les premiers, ils sont originaires de Kyushu, mais c'est sûr que c'est pas eux qui définiront le plus le son de ce qu'est le noise punk et tout, mais ils sont quand même importants dans la scène à l'époque, j'imagine, dans les années 80 au Japon. Et cette partie précise du Japon, c'est Kuro, que j'ai énormément mentionné la semaine dernière. Ouais, comme influence. Et pas que la semaine dernière, hein, c'est vrai. Du coup, je me suis dit qu'il était quand même au moins temps de passer ça. Là, je vais vous passer un morceau qui est sorti sur Who's the Helpless. C'est sorti en 84. Je pense que le groupe The Helpless s'appelle comme ça par rapport à la sortie de Kuro. C'est trop bien aussi, c'est beaucoup plus Burning Spirit. Kuro, ce sera du Discharge encore plus lent, j'imagine, ça joue vraiment pas vite, mais ça a son côté bien totonade des trucs des années 80. Bien quoi ? Bien tonton. C'est bien la musique de tonton, quoi. Je me sens un peu visé. Pardon, attention. C'est vrai que je t'ai regardé en disant. Bref, du coup, on s'écoute le morceau Who's the Helpless de Kuro, sorti en 84. Moi, je dis pour la vitesse, ça va, et aussi pour le son fumé. Franchement, ah oui, c'est là, bien fumé. Moi, j'ai rien à dire là, c'est beau, c'est... c'est tout ce que j'adore. Spontarstad, puisque personne apparemment n'a pensé à ramener du Spontarstad, non, alors qu'ils vont faire 3 concerts dans la région, vu que maintenant on est dans une région où il y a 5 départements, dont 3 qui servent à rien, hein, je suis d'accord. Donc, ils font un concert demain à Amiens, à l'accueil froid à Nuuk. Ils seront avec Vacarme, je crois. Ils seront vendredi au BNR avec Modeste Model et puis un groupe que j'ai oublié. Hein, vous n'avez pas dit Facoma? Non, ça c'est samedi au CCL. Alors samedi au CCL, attends, parce qu'en plus j'ai pas noté avec qui joue. Putain, c'est samedi, n'importe quoi. MIT. Ouais. Rupture, Sanuel, ouais. Facoma et Spontarstad. Ouais. Oui, c'est pas mal. Hein. Belle affiche hein, samedi soir au Centre culturel Libertaire. Bon, l'île RPZ. Il y a Egon avec eux. Oui, Egon, que j'avais pas l'honneur de connaître. C'est du grunge stoner. D'accord. J'ai peur. Enfin, mais au moins il y a un concert au BNR et ça faut le signaler. Voici un petit coup de Spontarstad avec Nathalie Lemel. J'ai même pas pris le temps de chercher ce qu'a fait cette dame dans la vie ou dans notre vie peut-être. pour être rappelé par Spontarstad. Je crois que c'est quelqu'un qui a participé à des révoltes ou des machins comme ça. Enfin bon, je chercherai et puis je repasserai le titre à une autre émission. Puis comme ça, on aura bon. Et ensuite, on enchaînera avec un titre de Modest Model qui vont donc jouer avec Spontarstad ce vendredi au bout de nos rêves à Grand Ramecroix. Et le titre de Modest Model, ça sera Out pour l'instant, Spontarstad. Ah! petit Larsen de fin, là, c'est bien. Ouais. C'est des vieux, donc ils sont encore plus lents que ceux d'avant, qui étaient encore plus lents que ceux d'avant. Donc pour dire que Kuro, c'est lent. Bon, Modeste Modèle, c'est bien. Hein. C'est des vieux de la vieille, hein. Attention, hein. Respect. Hein. Là, c'est la dernière minute. Il y a cramé Arnaud. C'est, ouais. C'est les tontonnades. Les tontonnades. Non, ça, ouais, ça va rester, ça. Une petite tontonnade aussi, Jamie, ou quoi? Non, un petit cuir de dernière minute. Ouais. Bon, bah, du coup, il y a des nouveautés, il y a le clip et il y a un nouveau morceau qui est sorti aussi. Ah ouais, d'accord, mais j'ai même pas capté. Pouf. J'ai même pas capté. Moi, j'avais déjà passé le morceau avec un nouveau clip. Enfin, il a sorti un clip et j'avais déjà passé un morceau il y a peut-être un petit mois, un truc comme ça. D'accord. Il y a un mois, pas plus que ça. Bon, faudra que je révise. Dernière minute. Cuir. Sur Campus en 16,6. FM. Oui. Au secours, non, oui, oui. Il devrait faire des morceaux un peu plus longs. Hein. Maintenant, j'ai plus l'habitude de passer des trucs de 1 minute. Hein. Ouais. Franchement, c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas venu, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, là, tu vas passer un truc d'une minute. Non, il fait 4 minutes, non? Ouais, 14. Ouais, mais attends. Voilà. Pour une fois, je suis contente quand j'ai des morceaux comme ça. You're welcome. Je vais vous parler de Format. C'est encore une cassette que j'ai chopée dans la distro de Louis Pleur. C'est un groupe de post-punk basque. La démo est sortie en janvier chez Dispire Records et Paul Z de la Mort. On écoute tout de suite, désolé pour l'accent, mais Itzalen Artean, et ça veut dire parmi les ombres, de Format. We'll be right back. On croit qu'ils arrêtent et puis en fait, ils continuent. C'est ça. Sur un autre tempo. C'est rigolo. Hein. Vous aimez la pop? Allez. Vous êtes sur Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers 428. Ah, ah. Ouais, et on continue dans le pionnier pour le son de Kyushu, avec Confuse, donc un groupe japonais actif pendant les années 80, qui était, pardon, plus précisément originaire de Kyushu, je viens de le dire, aux côtés de groupes comme Guy, Tranquilizer ou State Children. Tous ensemble participeront à l'essor du genre noise punk et ce que l'on qualifiera, pardon, de son de Kyushu. Alors deux groupes sont à retenir comme influence majeure de ces groupes pionniers, Kaosuke, R.I.P. Gaba, même si je pense que ça a été déjà dit. Ça a déjà été fait, mais on peut le redire. Et Disorder. Confuse ne déroge pas à la règle, c'est clairement influencé par le Disorder de 82-83 avec les EP Mental Disorder ou Perdition. Perdition, très bon groupe de noise punk américain d'ailleurs, bref. Je pense qu'il y a aussi des groupes qui s'appellent Mental Disorder. Hein. Il y a quatre, ouais. Hein. Et du coup, Confuse a aussi influencé pas mal de monde, notamment un groupe de noise punk américain actuel, Fucking Lovers, dont on a déjà pu parler dans cette émission et qui sont aussi venus jouer à Lille l'année dernière pour le Lille en Short. C'est ça, hein. Ouais. Donc pourquoi je vous parle d'eux? Bah parce qu'on va s'écouter un morceau de Confuse sorti en 85 sur l'EP Contempt for the Authority, première piste qui s'appelle tout simplement Fucking Lovers. Plutôt Disorder avec la basse qui fait des trucs dans son coin là, hop, et puis de bon bien. Bon, et ben puisque on parle des grands anciens britanniques, je vais vous en parler de un qui existe toujours, c'est Ben qui est aux commandes du très ancien fanzine Raising Hell qui continue de sortir un numéro quasiment tous les mois, et voici l'annonce qu'il nous fait ce matin en fait sur un des réseaux sociaux que nous impression que peu. C'est avec fierté que nous annonçons l'apparition du numéro 34 de Raising Hell en un temps record, marquant une étape innovante dans l'évolution du punk. Grâce à une technologie IA révolutionnaire, nous avons pu produire ce fanzine dans une qualité supérieure et de manière bien plus efficace. Bien sûr, nous avons dû ajuster le prix, mais je suis sûr que vous serez tous d'accord qu'à seulement 10 euros l'exemplaire, 10 livres l'exemplaire, pardon, le rapport qualité-prix reste exceptionnel. Je sais que certains d'entre vous pourraient être mécontents de ces changements, voire désapprouver totalement le contenu généré par IA, mais pensez-y à nouveau. Le punk, ça a toujours été d'avoir une longueur d'avance et de ne pas rester figé dans le passé. Quoi de plus avant-gardiste qu'un fanzine punk généré par IA ? Avec l'émergence de groupes punk IA, il est vital que Raising Hell ne se laisse pas distancer. Maintenant qu'une nouvelle élite de développeurs technologiques anti-establishment, comme Elon Musk, a prouvé qu'elle était de notre côté, des opportunités incroyables s'offrent à nous. Fini les nuits blanches passées à travailler sur le fanzine, fini d'agacer ma famille et fini de décevoir mes employeurs. Désormais, il suffit de fournir à Grok quelques idées de base, puis de le laisser faire. Vous en conviendrez avec moi, nous vivons une époque passionnante. À l'avenir, grâce à cette avancée technologique, je compte faire de Raising Hell un hebdomadaire. Bien sûr, il m'est impossible d'assister à assez de concerts chaque semaine pour vendre tous les exemplaires produits. C'est pourquoi Raising Hell est en discussion avec des entreprises robotiques souhaitant développer leur potentiel afin de proposer des robots de vente humanoïdes. Imaginez ça, une armée de robots diffusant la parole punk à chaque concert dans tout le pays. Qui a dit « no future » Voilà. Je vois la tête consternée de Henri. Non, on est le 1er avril, hein, ça va. Oui, ouais. Et alors, avec ce texte désopilant, il s'est quand même fendu aussi d'une couverture, une fausse couverture pour ce numéro de 34, sur laquelle on voit une espèce de chat gothique, une espèce de collier bizarre, quoi, un truc, n'importe quoi. Qui veut rien dire et qui est vachement pas punk. Et puis avec tous les groupes interviewés dans le fanzine numéro 34 de Raising Hell, Fuddy Duddy, Brains to Mash, Mambo Jumbo et franchement ceux qui font un tabac en ce moment en Grande-Bretagne, ceux que le monde entier leur envie, Top Slop. Voilà, donc... Écoutez, moi j'ai envie d'accompagner Raising Hell dans son aventure de découverte et de maîtrise de l'IA, et je pense que dès la semaine prochaine dans Pyongyang Steelworkers, nous allons avoir au moins une rubrique IA qui va prendre au moins un quart d'heure, peut-être même 20 minutes où on passera uniquement des groupes IA et où en fait c'est pas nous qui parlerons, hein, ça sera juste des voix synthétiques, hein, d'accord. Comme ça pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on pourra faire? On peut avoir des coups. Voilà, c'est bien. Bref, en tout cas, merci. Ça, pour une fois, ça, c'était un des rares poissons d'avril cette année qui m'ont fait vraiment rigoler. Parce qu'en plus de ça, ça s'attaque vraiment à un truc qui fait beaucoup chier en ce moment. En particulier les gens qui publient des agendas de concerts punk sur le web. Des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et puis surtout avec vos putains d'affiches faites par IA, là, vous faites chier avec vos flyers de merde. Bref, merci Raising Hell. Et puis bon, j'annoncerai un vrai numéro une autre fois. Et lui, ça fait longtemps qu'il fait ça, depuis les années 80, hein, les gars. Ouais, t'as qu'à voir. Maintenant, totalement rien à voir. Qu'est-ce que je vais passer? Une petite annonce de concert tout de suite. Citric de Mise, apparemment groupe qui fait un tabac aux États-Unis, ils passent en Europe à partir de cette semaine. Ils seront à Anvers en compagnie de attends, je cherche. Merde, en plus un groupe qu'on a déjà passé ici, The Gobs, voilà. Ils seront au Cabron à Anvers, et puis après ça ils font d'autres dates. On va les écouter tout de suite dans un titre absolument pétardant, Crushing, Cruising for the Dead. Another thing done, not right, did you wrong? Voilà, années 80, je sais pas, il y a un truc comme ça, il se passe quelque chose. À vous, Célia. À moi. moi, je vais vous parler du groupe Saddam Bin Laden. C'est un groupe californien anglo-palestinien. J'ai fait cette découverte grâce au label Plastic Wound Records. Et voici la description qui fait du groupe. Quand le punk 8 bits rencontre le sarcasme extrême et la dénonciation sans détour de l'hypocrisie qui règne et anime le monde d'aujourd'hui, Saddam Bin Laden apparaît comme un souffle de mort dans un monde de pro-terroristes occidentaux naïfs. Mais est-ce qu'il condamne le Hamas ? Non ? Je sais pas. Oh. Mais ils n'aiment pas les Américains en tout cas. Putain, c'est dégueulasse. Et non plus leurs alliés. au début, j'ai cru que c'était une compile en écoutant un peu tous les morceaux, tellement il y a des styles différents sur certains morceaux. Ouais. Et finalement, non, c'est bien un seul groupe. Du coup, j'ai choisi de mettre deux morceaux parce que ça dure pas très longtemps. Il y a Rocket Pocket et Ya Baba de Saddam Bin Laden. C'est pas du tout ça. Il est 20h47 à l'antenne de Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers numéro 428. Pendant encore moins de 13 minutes, voici Henri qui vous présente un truc. Moi, je continue un truc avec un truc plus ou moins obscur. Il s'agit de State Children et de leur 4 titres Bomb Shelter for Money Making. Bon, j'imagine que le groupe a quand même gagné en notoriété ces derniers temps avec des groupes comme Lebenden Toten, ou Atrocious Madness, qui les cite comme influence, mais ça reste un succès assez confidentiel. Ça parle de pacifisme, de la peur et ou de la violence des bombardements, de mourir de faim, et d'autres choses que je suis pas sûr d'avoir compris, mais c'est déjà des sujets importants. Vous commencez à connaître, c'est du noise punk japonais sorti en 84-85, donc fortement inspiré de Kaosuke ou Disorder. La gratte est inaudible, voire monotone. On est quand même un cran au-dessus de Guy ou Confuse par moment. C'est vraiment des trucs qui me plaisent beaucoup. À l'instar d'un dislike qu'on avait déjà passé quand on avait parlé de Pogo 77, c'est vraiment la basse qui rend le riff audible, voire peut-être même c'est la seule qui va vraiment le jouer. Enfin, j'ai un doute sur le fait que la guitare elle suive la basse, mais bref, je vous laisse du coup faire un avis avec le morceau Starve to Death. Existence so empty. Mais il y a mal, je t'en hein. C'est ouais, c'est Gizom, GISM. Ouais. Fakoma, rapidement, ils seront vendredi à Liège, à la zone, pour la release partie de Amino Acid Club. Ils seront aussi en compagnie de Marcel et MIT. Mais l'idiot théorie. Et puis dimanche, on la retrouvera au Centre Culturel Libertaire en compagnie toujours des mêmes MIT, Rupture, Sanuel et Spontarstad. On en a déjà parlé tout à l'heure. Voici Fakoma, ils viennent de Cologne. Et puis là, ils vont nous parler de baston de rue, Strassenschlacht. Diese Samstagnacht ging es um was anderes. Da ging es um die Frage, was darf man tun, wenn man lustig ist, wenn man Spaß und Freude hat, und wie. Darf man die Polizei herabwürdigen? We'll be right back. c'était fini, c'était Amino Acid Club qui passeront à la zone à Liège ce vendredi avec ce qu'on a entendu juste avant Facoma. Facoma qui passeront dimanche aussi au CCL. Voilà. Passe-partout. Vous suivez? Vite. Moi je vais passer Stuck Lucky, c'est un groupe de ska punk trash de Nashville. Ça fait un peu penser à Leftover Crack. Et petite pensée à Monsieur Pierre à Feu, ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé de trompette ici. Ouais, zut. Le morceau que j'ai choisi de passer, il vient de l'album Hate the Light of Day, qui est réédité en LP par le label No Time Record. Et on écoute tout de suite Fall of Rome de Stuck Lucky. Il est 21h06 à l'antenne de Campus 106,6. On reste encore pendant quelques minutes pour passer un petit dernier truc que je voulais passer ce soir. Oh, je sais pas pourquoi. Si. Bref, Forsich Kinder, attention les enfants, c'est 4 nanas de Berlin qui font de l'alco-pop. C'est-à-dire un mélange de boissons alcoolisées et de musique entre post-punk, no wave, Neue Deutsche Welle. Et des fois, ça l'orne vers la techno, la jungle pop même, j'ai l'impression. Avec des harmonies vocales qui m'évoquent fort les grandes anciennes de Joyce McKinney Experience que j'ai déjà passé ici il y a longtemps. En tout cas, ces harmonies là qu'on va pouvoir entendre dans le titre que je vous passe tout de suite après, c'est sorti sur leur deuxième album Alcopop justement en septembre dernier 2025, qui est dispo en cassette chez Kitchen Leg Records, label berlinois, recommandé par l'émission SAV sur Radio Canu à Lyon, que je salue au passage. Voici donc Forsich Kinder avec Emotion on the Ocean. Emotion on the ocean, super bowl. Ouais, c'est Two Tons of Metal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un reggae de fin. Le titre, c'est Monkey Man, hein, quand même. Hein, ça a été repris par les Specials à la fin des années 70, hein, quand même. Hein, c'est bon, quoi. Shoots, quoi. C'est donc la fin de Pyongyang Steel Rockers. On a débordé de presque 5 minutes maintenant. C'est affreux. Que veut dire JD? C'est émission de 1 heure et quelques. Ouais, bah oui. Bah, attends. Bientôt, on va faire des lives dans le studio. Ça va être bien. Pour l'instant, en tout cas, c'est la fin de ce 428e numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour le 429e. Ne quittez pas Radio Campus. Là, vous allez avoir de la musique en conserve. Et puis ensuite, à partir de 22h, ça sera Nico pour B-Boy Bouillabaisse, et ensuite plein de bonnes émissions de rock and roll et puis d'autres choses aussi, hein. Ouais. Du rap, puis du baratin, voilà, puis des gauchistes, et voilà, c'est ce qu'il nous faut. Vous êtes bien sûr Radio Campus 116,6, et pour l'instant on n'oublie pas un cab. Big monkey.